Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez cestfou.ca. On s'appelle et on est jeune. Et maintenant, voici les tops de l'insolite. Oui, top de l'insolite qui aujourd'hui donc rend hommage au CD qui fêtait son 31e anniversaire hier, le 8 mars 2010, bien sûr, journée 31e anniversaire du disque. Et donc, voici un top 10, en fait, de faits sur le CD. C'est très intéressant. J'ai appris des choses que je pensais savoir, mais franchement, c'est assez intéressant. Le premier, en fait, le numéro 10, en fait, concerne la première création. Alors, en fait, on recommence. C'est pas vraiment un numéro 10. Il n'y a pas d'intensité dans ce thème-là. Donc, on commence par le numéro 1. Le premier disque a été produit d'une façon de masse. Donc, vraiment, avec beaucoup de copies réalisées. C'était le disque The Visitors du groupe ABBA. Et oui, donc ça a été le premier groupe à être produit, une production de masse, donc de CD. Mais par contre, le premier album de disque, premier album en CD qui a été présenté était l'album 52nd Street, oui, de Billy Joel, qui est paru le 1er octobre 1982. Premier album CD, donc c'était 52nd Street de Billy Joel. Et également, donc, le premier appareil pour lire les lecteurs CD, c'était le Sony CDP-101. C'était une grosse machine. Imaginez-vous à peu près la grosseur, plus gros qu'un magnétoscope. Vous savez, les vieux enregistreurs cassés. Ou plus gros, mettons, qu'un terminal de télé satellite, là, vraiment. Donc, il coûtait $900 quand même. Hein, c'était le prix de base, ça, vraiment, avec la base. Et donc, c'était le premier lecteur CD à paraître sur les marchés pour, bien sûr, lire des CD comme Billy Joel et ABBA. Oh, la belle musique. Par la suite, au numéro 3, le premier CD à vendre 1 million de copies était l'album Brothers in Arms de Billy Joel, mais de Dire Straits, qui est apparu en 1985. Donc, ça a pris 3 ans du lancement du premier disque à la première vente d'un million et le vinyle qui, tranquillement, pas vite, perdait du chemin. Et numéro 4 de ce top 10 qui concerne le CD, les faits sur le CD qui fêtait son 31e anniversaire hier. Eh bien, est-ce que vous pourriez penser à une collection de mini racks? Eh bien, ça a été un des noms qui a été considéré par Philips lors de la création du Compact Disc. On pensait également appeler le tout Mini Disc et Compact Track. On a appelé le disque compact Compact Disc pour donc nous rappeler du succès de la cassette compact. Bien honnêtement, à moins que ça ait un autre nom, cassette compact, ça me dit rien. Probablement que ça n'a pas fonctionné ça non plus. Donc, le CD a fonctionné quand même une bonne run pendant à peu près 28 ans, mais malheureusement, donc, il est en baisse depuis ces années. Et numéro 5, donc, de ces 10 faits sur le CD pour célébrer l'anniversaire du disque. Eh bien, au numéro 5, on retrouve, en fait, saviez-vous simplement que c'est grâce à Beethoven qu'on a la longueur et l'espace de données sur un CD. Donc, c'est lui qui a déterminé cette longueur-là de temps d'enregistrement et de données possibles d'emmagasiner sur un disque. Donc, avec sa 9e symphonie, en fait, c'est lorsque Philips donc, a terminé le premier prototype du CD. Il faisait 11,5 cm de diamètre. Mais, donc, lorsqu'ils se sont, pas arrangés, mais entendus avec Sony pour lancer les premiers CD, eh bien, on s'est rendu compte que la 9e symphonie de Beethoven, qui dure 74 minutes, qui est une des plus longues donc de l'époque classique, rentrait pas sur le disque. C'était impossible donc de tout mettre l'information sur un seul, donc il fallait le couper en deux. Et c'était justement un des buts du CD, en fait, c'était de prendre le moins de place possible et d'avoir le moins de disques possible. On a demandé tout simplement de réagrandir le diamètre du CD qui fait maintenant 12 cm de diamètre pour enregistrer 74 minutes sur un CD normal. Et ensuite, si on place en sixième position, oui, si vous prenez toutes les données qui se retrouvent sur un CD et vous les mettez une à côté de l'autre, eh bien, ça va faire plus que 4000. Vous comprenez que bon, c'est un site américain sur lequel je prends mes informations ce matin. Et donc, 4000, ça équivaut à peu près à quoi? 10 km à peu près. je pense. Ma calculatrice mentale n'est pas nécessairement trop bonne, mais je pense que c'est quelque chose comme 10 km. Numéro 7 de ce top 10 de l'insolite sur les faits, sur le CD, en fait, qui célébrait ses 31e anniversaire hier. Eh bien, on retrouve en 7e position David Bowie. Et oui, David Bowie, qui est le premier artiste à avoir lancé son catalogue en entier en CD. Et donc, on sait que le CD était disponible depuis 82, mais la conversion de David Bowie, et oui, on peut dire ça, la conversion de David Bowie pour le CD, c'est réalisé en 1985, la même année que Dire Straits, donc qui a vendu le premier million de copies. Donc, on s'est dit, il y a de l'argent à faire là. Puis, bien sûr, si on réédite tout en CD, les gens vont réacheter les albums qu'ils avaient déjà. Machiavélique. Et ça a fonctionné. Plusieurs artistes ont non seulement regagné la popularité, mais fait beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, et je pourrais dire beaucoup souvent. Ils ont fait une somme faramineuse d'argent avec la réédition de leurs albums en CD. Numéro 8 de ces faits sur les CD, donc top 10, bien sûr. Au numéro 8, on retrouve, en fait, saviez-vous que les disques... Les CD fonctionnent dans un système, oui, de creux et de bosses. Donc, c'est les 0 et les 1, bien sûr, de cette... la technologie binaire, voilà, je cherchais le mot. Mais essayez pas de trouver ces bosses-là et ces courbes et tout ça sur le CD, puisqu'ils font environ 100 nanomètres de profond par 500 nanomètres de large. Oui, ça, c'est les petits trous et les bosses. Donc, c'est la même chose, mais à l'inverse. Mais donc, des 100 nanomètres par 500 nanomètres, oui, ça équivaut à un milliardième d'un mètre. Donc, un nanomètre, c'est un milliardième de mètre. Donc, c'est impossible vraiment de trouver, de réussir à voir ça. Si jamais vous réussissez, ben, je vous créerai pas. Juste pas. Et donc, numéro 9, des faits sur le CD pour célébrer le 31e anniversaire de l'invention du disque, l'annonce, en fait, qu'on allait commercialiser cette petite chose. Eh bien, saviez-vous que la façon de lire un disque est à l'inverse du vinyle? On commence de l'intérieur plutôt vers l'extérieur du CD. Et donc, numéro 10, maintenant, des informations, plutôt des faits sur le CD. Donc, on retrouve, en fait, une façon pour éviter que le disque ait des scratchs, comme on dit, hein, empêcher donc que le disque se fasse abîmer. Bien, donc, c'est une compagnie japonaise qui a créé, en fait, ce qu'on appelle une petite boîte de verre. En fait, le nom m'échappe là, comme tel, mais une petite boîte de verre dans laquelle on met le disque et il y a un lecteur spécial pour lire donc à travers cette vitre. Et c'est simplement, ça vous coûte 883$ pour un simple disque, parce qu'une fois que la boîte est faite, il n'est pas possible de le ressortir de là. Hein? Donc, pour 883$, si vous voulez sauver un CD, bien, ça a été inventé en 2007 quand même. Mais est-ce que ça vaut vraiment la peine? C'est ce qu'on se demande. Parce que 883$ pour un simple CD, on sait que peut-être s'il aurait sorti ça il y a 20 ans, ça aurait fonctionné. Parce que les CD, c'était des choses précieuses qui coûtaient quand même cher. Mais maintenant, un CD, je veux dire, on peut les copier, on peut les graver à partir de la maison. C'est vraiment rendu une technologie qui non seulement est de plus en plus obsolète, mais franchement, c'est accessible à tout. On peut tous faire... Il n'y a pas d'interférence dans votre radio. C'est moi qui cherche mes mots. Je suis sans mots. Mais donc, quand même, ce que je veux dire, c'est que donc le CD est vraiment malheureusement devenu... malheureusement ou heureusement, tout dépendant de quel côté vous êtes, mais c'est devenu une technologie obsolète qui, au cours des années, donc on va voir disparaître. Même les disques gravés, ça risque de disparaître malheureusement. Ou heureusement, comme je vous dis, tout dépendant du côté que vous êtes. On s'appelle et on déjeune de 7h à 9h le matin du... On s'appelle et on déjeune le matin. On s'appelle et on déjeune le matin du. On s'appelle et on déjeune, c'est d'ADEC. On s'appelle et on déjeune, c'est de l'actualité nationale et utérienne, de l'insolite, des chroniques, de la musique émergente et une dose de bon sens. Sans frais cachés et sans contrat. Encore mieux, c'est gratuit. On s'appelle et on déjeune tous les matins du lundi au jeudi de 7h à 9h sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Présentation du service aux étudiants de l'UQTR.